Vous entendez ici le son caractéristique des instruments à cordes. Leur famille se compose des premiers et seconds violons, alto, violoncelle et contrebasse. Tous les membres de cette famille se ressemblent, sauf par la taille. Ils ont tous quatre cordes tendues sur un chevalet qui transmet leurs vibrations au corps de l'instrument. Voici les quatre cordes d'un violon. Si je modifie leur longueur par la pression des doigts de ma main gauche, je puis obtenir au moins 50 autres notes. En voici quelques-unes. L'archet est comme un prolongement du bras de l'exécutant qui peut en faire à peu près tout ce qu'il veut, depuis le murmure presque imperceptible jusqu'au son fort, soutenu ou pénétrant. En faisant sauter l'archet sur les cordes, on peut détacher les notes avec une grande netteté, que l'attaque soit énergique ou douce, sèche ou moelleuse. C'est ce qu'on appelle le sautillé ou, suivant le terme italien, le saltellato. Un autre mot italien, martellato, c'est-à-dire martelé, désigne les coups d'archet brefs et nettement séparés. Le trémolo est, comme son nom l'indique, un son tremblé. On l'obtient effectivement en faisant trembler l'archet sur les cordes. Il arrive qu'un compositeur demande aux cordes de jouer col legno avec le bois. On retourne alors l'archet et, au lieu de la mèche de crin, c'est la baguette qui frotte les cordes. Les instruments à archet permettent de jouer simultanément deux notes, en faisant porter l'archet sur deux cordes à la fois. Cela s'appelle jouer en double corde. Quand la partition indique un passage à jouer en sourdine, le violoniste fixe sur le chevalet de son instrument une sorte de petit peigne qui non seulement diminue le son, mais en modifie le timbre qui devient doux et voilé. Une corde qui vibre, touchée légèrement en certains points bien déterminés, produit des notes aiguës, appelées harmoniques, reconnaissables à leur son de flûte. Voici les harmoniques naturelles d'une corde à vide. vous remarquerez que l'une d'elles sonne légèrement faux. Pour obtenir d'autres harmoniques, il faut bloquer la corde avec un doigt tout en l'effleurant au point voulu avec un autre doigt. Enfin, le violoniste est souvent invité à laisser l'archet de côté pour attaquer les cordes directement avec ses doigts, comme s'il s'agissait d'une guitare. En pizzicato. Citons à ce propos un curieux morceau de Paganini, Nel cor più non mi sento, où se combinent deux effets opposés, pizzicato et mélodie. Nous n'avons entendu jusqu'ici que le son du violon seul. Un certain nombre de violons jouant ensemble dans un orchestre produisent une impression très différente. La sonorité est particulièrement riche dans le cas d'une phrase exécutée par les premiers et seconds violons. Je me suis un peu attardé au violon, d'abord parce que c'est mon instrument, mais aussi parce qu'il m'a permis d'énumérer des effets dont la plupart peuvent être reproduits sur les autres instruments à cordes. L'alto, un peu plus grand que le violon, est accordé une quinte plus bas. Je vais vous faire entendre les cordes du violon, puis celles de l'alto, et enfin une série de notes qui vous donneront une idée de l'étendue de l'alto. Plus grave que le violon, son timbre est plus sombre, plus velouté. L'alto est pourtant susceptible de vivacité, comme dans ce passage du 6e concerto brandebourgeois de Bach, qui exige des altistes une grande virtuosité. Chacun sait que les violoncelles sont plus grands que les altos, tellement plus grands qu'il n'est pas question de les tenir entre l'épaule et le menton. Écoutez successivement les quatre cordes de l'alto, les quatre cordes du violoncelle et sa gamme. Le violoncelle possède une sonorité très expressive sur toute l'étendue de sa tessiture, aussi bien dans le grave que dans l'aigu. La sourdine peut s'appliquer au violoncelle comme à tous les autres instruments à cordes. Et le violoncelle, lui aussi, peut émettre des harmoniques. Profitant de la sonorité particulièrement chantante du violoncelle, les compositeurs lui confient volontiers de véritables mélodies. En voici une pour violoncelle solo de Brahms. Voici une autre extraite de la symphonie inachevée de Schubert pour tous les violoncelles jouant ensemble. Les violoncelles n'ont pas toujours des mélodies à jouer. Leur rôle habituel consiste à accompagner le chant d'autres instruments. Ils sont malgré tout plus favorisés que les contrebasses quant aux occasions d'être mis en vedette. La contrebasse est le plus gros et le plus grave des instruments de la famille. Vous allez pouvoir comparer ses cordes à celles du violoncelle et entendre quelques-unes des notes qu'elle peut donner. Le pizzicato de la contrebasse, très sonore, est couramment utilisé en jazz. Et si l'on n'entend guère de solo de contrebasse en musique classique, cet instrument n'en fait pas moins sentir sa présence. Qui n'a remarqué ce passage de la 5e symphonie de Beethoven? Écoutez maintenant le même morceau joué par l'ensemble de l'orchestre, en essayant de concentrer votre attention sur les contrebasses qui soutiennent tout le reste. Tous les instruments à cordes sont en bois, mais ce ne sont pas eux qu'on appelle les bois. Ce terme désigne une autre famille d'instruments qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément en bois. Il s'agit en tout cas d'instruments à vent, faits d'un tube percé de trous sur les côtés. Le musicien, tout en soufflant dans le tube, produit différentes notes en bouchant certains trous avec ses doigts. La flûte moderne dérive du plus ancien de tous les instruments. Il y a des milliers d'années, les hommes primitifs soufflaient dans des eaux creux pour produire des sons tels que celui-ci. Aujourd'hui, la flûte est un instrument extrêmement souple et perfectionné, bien que le flûtiste continue à produire le son en soufflant dans un trou. On la tient de côté, d'où son nom de flûte traversière. Et si l'on se sert encore quelquefois de flûte de bois ou flûte à bec, celle que vous allez entendre est en argent. Voici les notes qu'on peut tirer de la flûte. Dans le grave, la flûte peut avoir un son ample et solennel. Vers l'aigu, le son devient beaucoup plus brillant. Voici un motif de biset qui met en valeur le son clair et argentin de la flûte. Un orchestre moderne comporte généralement deux ou trois flûtes. Il en faut trois pour jouer cette danse extraite de Casse-noisette de Tchaïkovski. L'un des flûtistes de l'orchestre est souvent appelé à jouer la petite flûte, ou piccolo, qui est beaucoup plus courte et plus mince que la flûte ordinaire et naturellement produit des sons plus aigus. La petite flûte est probablement le seul instrument d'orchestre qu'on puisse transporter commodément dans sa poche. Mais quand il se fait entendre, c'est celui qui risque le moins de passer inaperçu. C'est la vibration d'une hanche qui produit le son de la clarinette. L'hanche est une mince lame de roseau fixée au bec de l'instrument, en telle sorte que le souffle de l'exécutant lui imprime un battement rapide et régulier. Écoutez la clarinette. Les notes graves ont quelque chose d'obsédant. Dans un registre plus aigu, la sonorité reste chaude et riche. Voici un duo pour flûte et clarinette, où les deux jouent exactement les mêmes notes avec un certain décalage, la clarinette commençant un peu avant la flûte. Rien ne saurait mieux illustrer la différence de timbre. La clarinette basse, destinée à émettre des notes plus graves, est de plus grande taille. Il a même fallu en recourber le bec et le pavillon, en forme d'S. Il lui arrive de jouer en solo, notamment dans « Casse-noisette », où Tchaïkovski lui a confié cette phrase hoffmanesque. Superposé à ces notes, celles cristallines du céleste, vous obtenez un effet magique. Le hautbois est un instrument à hanches doubles, deux lames de jonc ou de roseau très amincies, attachées l'une contre l'autre et qui ressemblent en plus gros à une paille à boire dont on a écrasé le bout. L'instrumentiste serre cette hanche double dans ses lèvres et souffle entre les lames. Voilà tout ce qu'on peut tirer d'une hanche seule. Plantée à l'extrémité d'un hautbois, la même hanche fait vibrer l'instrument. Le hautbois peut exécuter des traits fort rapides avec beaucoup de légèreté. Mais il peut être également mystérieux et mélancolique. Le timbre du hautbois convient particulièrement aux mélodies expressives, proches de la romance, comme ce motif de Schubert. Le cor anglais est un grand hautbois à la voix plus profonde. Ce n'est donc pas un cor et il n'est pas davantage anglais. En fait, personne ne semble savoir au juste pourquoi il a été affublé de ce nom. Comparons plutôt le son du cor anglais à celui du hautbois. D'abord le hautbois. Puis le cor anglais. Tout comme le hautbois, le cor anglais pousse volontiers la romance. En voici une de Dvořák. Voyons maintenant le basson. C'est un instrument à hanche double, comme le hautbois, mais étant formé d'un tube de près de 2,50 m, il peut émettre des notes très graves. Il peut sonner assez sec quand on lui demande de jouer staccato comme ceci. Vers l'aigu, sa sonorité peut être étonnamment plaintive. Quand Rimsky-Korsakov a voulu suggérer les gémissements d'un mendiant oriental dans Scheherazade, il a eu recours au registre supérieur du basson. Revenons aux notes graves avec ce motif de Bizet. Le contrebasson descend encore plus bas. Voici les notes graves du basson. Et celles du contrebasson. On comprend aisément qu'avec une tessiture aussi grave, le contrebasson n'est que très rarement l'occasion de se faire entendre en soliste. Mais il n'a pas son pareil pour fournir à tous les autres instruments des fondations profondes et solides. Quand il joue, il est fréquent qu'on ne s'en rende même pas compte. Mais peut-être joue-t-il tout au fond de la masse orchestrale une partie comme celle-ci. Voyez maintenant si vous pouvez repérer cette partie de contrebasson sous la symphonie qui la recouvre.